Les messages que vous allez entendre ont été recueillis sur les répondeurs d'hommes publics. Parmi eux, des hommes politiques à qui les Français ont souvent donné leur voix. Il était juste qu'en retour, les hommes politiques vous donnent les leurs et que pour une fois, ce qu'ils disent serve vraiment à quelque chose, à votre répondeur par exemple. Amis sportifs, bonjour. À l'heure où nous prenons l'antenne, la bande magnétique se déroule lentement dans le répondeur, alors que, ah là là, très belle action du micro qui vient de se mettre en marche. Ah là là, et c'est le bip ! Bip ! Eh bien, je suis notre répondeur personnel. Vous m'avez entendu dans le camembert et vous avez adoré. Eh bien, je me lance à présent dans le classique. Je vais vous interpréter le concerto Manon Troupeau de Vache, Jean-Sébastien Vache. 3, 7. Ave Maria. C'est pas facile, mais je m'en suis plutôt bien sorti, non? Parlez après le sonore. Allô, mairie de Paris, j'écoute. C'est une plaisanterie, car je ne suis pas là. À propos de plaisanterie, avez-vous entendu le répondeur de M. Giscard d'Estaing? Il est ridicule. Que ne nous a-t-il, pendant qu'il y était, interprété la Saint-Hubert par les dissonneurs de Paris? Pourquoi? Pourquoi? Cet homme est un dangereux maniaque. Parlez après le bip sonore! Ici le 39-45, 14-18, ceci n'est pas un téléphone arabe, c'est un répondeur français qui dénonce le carteron superfétatoire de demi-portion magouillot-politicienne orchestré savamment par de puissants moyens coercitifs dont on est en droit de se demander si elles ne sont pas un affront national dont chaque membre doit être capable de répéter ce que je viens de dire après le sonore. En trois lettres commençant par B comme bébé. On parle dès qu'on l'entend. Bip? Pip prend quatre lettres, monsieur. J'ai pas dit pip, j'ai dit bip. Slip commence par un S. S comme slip. Mais non d'une pipe, j'ai pas dit slip, j'ai dit bip. Bip, excellent. Monsieur n'est pas bête. Je remets 10 francs dans le nourrin et nous écoutons le bip. Bon, alors... appuyez sur record quand la lumière rouge clignote. Qu'est-ce que ça veut dire? Frédéric, viens m'aider. Je n'y comprends rien à cet appareil. Regarde, là, il y a écrit... Mais enfin, tonton... Comme c'est facile, j'appuie et je parle. Oncle et neveu, ils rêvaient de gouverner l'un la République, ça va. L'autre ça le va, petit j'ai, écran. J'ai compris comment mais ça dans marche. Cette fin crépusculaire Frédéric. D'une décennie qui s'étiole, guettant désespérément la délivrance d'un Daniel. Message qui tarde où est-ce tant qu'on à venir, débranche, celui-là? Ils n'ont plus qu'un répondeur pour deux. Bonjour, si c'est le jour. Et que si c'est la nuit, tu dis bonne nuit. Tu retiens la nuit, tu dis bonne nuit. Et que si c'est le matin, que ça marche pas. Que de toute façon, le matin, je dors. Et à midi, que tu m'appelles pas non plus, parce qu'à midi, l'idole déjeune. Mais que tu peux dire bon midi pendant le bip sonore.